Quelle lourde à porter, l'absence de l'ami, l'ami qui tous les soirs venait à cette table et qui ne viendra plus. La mort est misérable qui poignarde le cœur et qui te déconstruit. Il avait dit un jour, lorsque je m'en irai vers le lointain pays au-delà de la terre, vous ne pleurerez pas, vous levez vos verres et vous boirez pour moi. Dans le creux de mes nuits, alors je voudrais bien voir à son souvenir ou lui rester fidèle. Mais j'ai trop de chagrin de savoir qui m'appelle, se plante comme un clou le creux de ma main. Alors je reste là, au bord de mon passé, silencieux et vaincu pendant que sa voix passe. Je quittais la vie s'installer à sa place, sa place qui pourtant demeure abandonnée. La vie de chaque jour aux minuscules joies, de remplir à tout prix le vide de l'absence. Mes amis, pourquoi pas ses manigances me prendre mon ami pour la seconde fois. Quelle lourde portée l'absence de l'ami, quelle lourde portée l'absence de l'ami.